Les fées se précipitent à l'ombre du grand cèdre bleu. Un lutin émerge au milieu des fleurs. Bonjour, vous ne savez peut-être pas qui est cet homme. Il poursuit d'un ton mystérieux. Cet homme est le marquis des lieux. Il se promène chaque jour dans la roseraie avec sa femme, la marquise. Il habite le château, dissimulé derrière la haie de buis. Oh, la fête promet d'être belle, croyez-moi. Le lutin marque un silence, puis il ajoute de sa voix flûtée. Je m'appelle Tilly. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Il claque des doigts contre l'écorce de l'arbre et disparaît entre les racines du grand cèdre. Ce que le lutin n'a pas dit, c'est qu'il connaît tous les secrets du parc fleuri et de la roseraie qu'il aime particulièrement. Il connaît chaque rosier, qu'il soit rosier buisson ou rosier tige, qu'il soit rosier dégrimpant, rosier sauvage ou rosier nain, il vient les saluer chaque matin.